بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد أكملنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالإيمان بالقدر. Lors du dernier cours, on a donc achevé le chapitre lié au destin. ومعنا اليوم باب جديد. Aujourd'hui, un nouveau chapitre, قال المؤلف رحمه الله باب ذكر الملائكة والإيمان بهم. Le chapitre concernant la citation des anges et la foi en eux. يجب أيها الإخوة الإيمان بالملائكة وهو ركن من أركان الإيمان. Il est obligatoire d'avoir foi aux anges. Et c'est un pilier parmi les piliers de la foi, comme vous le savez. Tout le monde ici sait pertinemment qu'il est obligatoire d'avoir foi aux anges. Cela fait partie des piliers de la foi. وَالْمَلَائِكَ مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ خُلِقَتْ مِنْ نُورٍ نُؤْمِنُ بِهِمْ وَإِنْ لَمْ نَرَهُمْ. Les anges font partie du monde invisible, el-ghaib, c'est-à-dire que nous ne pouvons les atteindre. Ce n'est pas seulement par la vue, mais c'est tous les sens. Nous ne pouvons les atteindre. Et ils ont été créés de lumière. Les anges ont été créés de lumière. Nous croyons en eux, en leur existence, même si nous ne les avons pas vus. هَذِهِ مِنْ مَزَايَا أَهْلِ الْإِيمَانِ. Cela fait partie des mérites des gens de la foi. Le fait qu'ils aient foi en ce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas touché, ils n'ont pas senti rien. Et pourtant, ils y croient. Pourquoi ? Parce qu'ils croient en la parole d'Allah. تَبَارَكَ وَتَعَلَى. Ils sont messagers. لِذَا ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala, il cite au début de Sourate al-Baqara. أَلِفْ لَا مِمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي. Ceci est le livre sur lequel il n'y a nul doute. Hudan lil muttaqin. Une guidée pour les pieux. Qui sont les pieux? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient en l'invisible. Ceux qui croient en l'invisible. Ceux qui n'y croient pas, ils vont lire ce livre mille fois. Mille fois, ils ne vont pas en profiter. Fa ahlul iman yu'minuna bi kulli ma akhbara Allah bihi fi kitabihi. Et donc les gens de la foi vont avoir foi en tout ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala a cité dans son livre, même s'ils ne l'ont pas vu. Ensuite, l'auteur, après avoir cité le nom du chapitre, il a cité plusieurs versets dans lesquels les anges sont cités. On va donc lire les versets que l'auteur a choisis et on va les commenter bi-idhnillahi ta'ala. فقال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Et donc l'auteur qui nous dit, et la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens rapproché de la traduction, ou du moins la traduction des sens rapprochés des versets, ce n'est pas le fait de vous tourner vers l'ouest ou l'est qui fait partie de la piété, Elbir. Ce n'est pas ça qui fait partie de la piété. Cependant, la piété, c'est le fait d'avoir foi en Allah, et au jour dernier, au livre. Non, mais excusez-moi, avant d'avoir cité le livre, il a cité les anges, le livre et an-nabiyyin, les prophètes. Fakawnul mar yattajihu fi salatihi qibla al-mashriq aw al-maghrib duna an yakuna dhalika makrunan bil-iman billah la yanfa'u. Le fait que la personne dans sa prière elle se tourne vers l'est ou l'ouest, sans que cette prière-là soit liée à la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, cela ne lui est pas profitable. Cela ne lui est pas profitable. Un non-musulman, un chrétien vient, il vient à la mosquée, il me dit « Je suis chrétien, mais j'ai envie de faire Ramadan avec vous. J'ai envie de faire Ramadan avec vous. » On ne va pas lui dire non. Il nous dit « J'ai envie de faire Tarawih avec vous, je veux faire Tarawih. » On dit « Vas-y, viens. » Il vient, il se pose avec nous, il fait Tarawih. Il demande « Elle est où la Qibla ?» J'ai entendu qu'il fallait faire d'abord Tahiyat al-Masjid. C'est où la Qibla ? On ne va pas lui dire « T'es pas musulman, vas-y, prie derrière vers le mur là-bas. » Non, il va prier vers la bonne direction, vers la Qibla. « Hel yanfa'ou là ?» Tant qu'il n'a pas l'iman billah, là, yanfa'ou. Mais nous, on espère que le fait qu'il fasse ça, que par la suite, ça l'attire vers l'islam, et qu'ensuite, il se convertisse. Mais tant qu'il ne s'est pas converti, ça ne lui est pas profitable. Ça ne lui est pas profitable. Fayajibul iman billahi tabaraka wa ta'ala wa bima yastalzimu hadha al-iman. Et donc il est obligatoire d'avoir foi en Allah tabaraka wa ta'ala et en tout ce que va impliquer cette foi-là. Tu vas avoir foi en Allah, ça ne s'arrête pas là. Allah tabaraka wa ta'ala t'a imposé le fait d'avoir foi en d'autres choses. فأنتم تلاحظون أن الله تبارك وتعالى أتبع ذكره أو ذكر الإيمان به بذكر الإيمان بيوم الآخر. Et donc vous remarquez que Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset, il a fait suivre la foi en lui-même par la foi au jour dernier. Il a cité la foi en Allah tabaraka wa ta'ala ou à l'yawm al-akhir. Donc, l'iman billah, alladhi yu'minu billahi tabaraka wa ta'ala, ya'lamu annahu sayuhasabu yawm al-akhir. Falidhalika min al-mutanaqid, an tu'mina billah, wa la tu'min bi annaka satuhasab. Celui qui croit en Allah tabaraka wa ta'ala, va forcément aussi croire au fait qu'il sera jugé au jour de la résurrection. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala va le juger. C'est pour cela que c'est contradictoire. C'est contradictoire une personne qui te dit « Je crois en Allah, mais je ne crois pas en Yawm al-Akhir. » C'est contradictoire. Certains vont me dire « Ça existe ?» Je te dis « Oui, ça existe. » Oui, ça existe. Le fait qu'une personne te dise « Je crois en Allah tabaraka wa ta'ala » et je ne crois pas au jour dernier. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé? Je ne sais pas pourquoi il t'a créé. Il t'a créé pour l'adorer. Et donc s'il t'a créé pour l'adorer, yawm al-qiyamah, tu seras récompensé ou tu seras châtié en fonction de ce que tu as fait parce que tu as obéi à Allah tabaraka wa ta'ala, tu l'as adoré ou pas. Wa dhakara Allah tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya الإيمان بالملائكة. الله تعالى il a cité dans ce verset la foi aux anges. والكتاب et le livre. الكتاب ce qui est voulu par là c'est tous les livres d'Allah تبارك وتعالى. الكتب. Tous les livres qu'Allah تبارك وتعالى a fait descendre sur ses serviteurs. Tous les livres qu'Allah عز وجل nous a accordés. Et je précise des frères, la Bible ne fait pas partie des livres d'Allah. Parce que parfois, dans les traductions, certains peuvent se tromper. La Bible ne fait pas partie des livres d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a aussi cité dans ce verset la foi aux prophètes. Fait al-muhim wa shahid fi hadhihi al-aya wujub al-iman bi al-mala'ika. Et donc, on comprend de ce verset donc le caractère obligatoire d'avoir la foi aux anges. Concernant la question ici, la Bible ne fait pas partie des livres d'Allah, mais est-ce que l'évangile qui est dans la Bible fait partie des livres d'Allah tabaraka wa ta'ala? Alors en fait, il faut regarder, la Bible elle est composée, comme on a déjà vu, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle la Torah. Est-ce que la Torah qu'on a actuellement, c'est le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala? Non. C'est-à-dire que les juifs, ils l'appellent la Torah. Les juifs, ils l'appellent la Torah. Mais est-ce que c'est le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala? Non, ce livre a été falsifié. Elle a été modifiée. Et donc on ne peut pas, c'est pour ça que lorsque tu arrives dans ce sujet-là, ce qui est conforme à la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tu vas l'affirmer, c'est-à-dire que c'est correct à la religion d'Allah. Mais est-ce que tu vas dire que c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala? Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas le dire. Ensuite, quand on arrive au Nouveau Testament, c'est là qu'on va avoir les évangiles. Les évangiles, donc, qui sont les écrits, selon les chrétiens, de plusieurs auteurs, Matthieu et les autres. Les évangiles n'ont rien à voir avec l'évangile qu'avait Isa alayhi salam. Les évangiles que tu trouves aujourd'hui dans la Bible n'ont rien à voir avec l'Injil. Voilà, c'est pour ça qu'on fait la différence entre Injil Marc, Injil Métta, donc l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, et l'Injil, Kitabullah Ta'ala. Voilà. Et donc l'Injil, l'Évangile, c'est le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais est-ce qu'il est dans la Bible? Non. N'y est pas. D'accord? Et donc ensuite, l'auteur il nous dit rahimahullah wa qawlullah ta'ala ainsi que la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis qui ont suivi la droiture, les anges descendront sur eux, leur disant n'ayez crainte et ne soyez pas attristés, mais soyez heureux de la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. فهؤلاء الذين قالوا ربنا الله قالوه بألسنتهم وقلوبهم. Et donc ces gens-là qui ont dit notre Seigneur est Allah, ils l'ont dit par leur langue et leur cœur. خلافا للمنافقين الذين تخالف ألسنتهم قلوبهم. Contrairement aux hypocrites, ceux dont leur langue contredisent leur cœur et ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit les concernant, yakuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ils disent de leur langue, ils disent par leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Et donc il est important lorsque tu vas dire cette parole Rabbuna Allah que tu y crois fermement aussi dans ton cœur. Fa haula al mu'minun tatanazzalu alayhim al mala'ikatu 'inda mawtihim fi hadha al waqt al mukhif al shadid. يطمئنونهم لا تخافوا لا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم تعدون. Et donc ces gens qui avaient la foi au moment de leur mort, ce moment terrible, difficile, douloureux, les anges viennent à eux pour les rassurer, les apaiser. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ne soyez pas attristés. Ne sois pas attristé par le fait que tu vas te séparer de ton père, de ta mère, de tes enfants. Ne sois pas attristé. Mais soyez heureux par cette annonce, la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Faman lam yu'min bil mala'ika la yahsulu lahu hadha al-fadl. Et donc celui qui ne croit pas aux anges ne va pas bénéficier de ses mérites, de ce moment où il a besoin d'être rassuré, on a peur. Qui d'entre nous n'a pas peur de la mort? Qui d'entre nous? Et donc cette personne qui n'a pas foi aux anges, les anges n'iront pas le rassurer au jour de la résurrection, bien entendu, car celui-ci fait partie des non-musulmans. Le fait de ne pas avoir foi aux anges fait sortir la personne de l'islam. Ensuite l'auteur il continue en disant, et la parole d'Allah Ta'ala, لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Le Messie, le Messie, c'est-à-dire Isa alayhi salam, il ne trouve nullement indigne le fait d'être un serviteur d'Allah, ni lui ni les anges rapprochés. Subhanallah, ta'ammalou ayyou al-ikhwa. Méditez-vous les frères sur ce verset important. Ces créatures, Isa, qui est connu chez tous, les musulmans, les chrétiens, même les juifs, même s'ils le rejettent, les miracles qu'il a accomplis, malgré cela, il ne mérite pas d'être adoré. Il ne mérite pas d'être adoré. On comprend de ce verset que Isa alayhi salam ne mérite pas l'adoration. Les anges qui ont été créés de lumière, des créatures si puissantes, qu'on le verra dans les autres versets que l'auteur il cite, des créatures puissantes qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas atteindre, on ne peut pas les adorer. Et ces créatures-là ne trouvent pas indigne le fait d'être des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَمَنْ نَحْنُوْ حَتَّى نَسْتَكْبِرْ. Alors, qui sommes-nous pour nous emplir d'orgueil? Qui sommes-nous afin que tu sois là, tu te dises, non, aujourd'hui, je ne vais pas me lever pour Fajr et tout. Je n'ai pas envie. Qui es-tu? Qui? T'es qui? Les anges, ceux qui sont rapprochés d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qui es-tu pour t'emplir d'orgueil face aux autres créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala? Les anges qui sont rapprochés d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne le font pas. Tu es rapproché de qui, toi? Qui? Et donc, il est important, mes frères, qu'on comprenne le bon comportement que nous devons avoir envers notre Seigneur, envers les créatures de notre Seigneur. Et certes, ceux qui vont s'enorgueillir et qui vont refuser d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, contrairement aux anges, Allah Azza wa Jal a fait suivre ce verset par sa parole. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Ceux qui s'enorgueillissent de son adoration, ceux qui vont donc refuser de l'adorer, et tout cela par orgueil, alors il va tous les ressusciter, tous les renvoyer vers lui. يَوْمَ الْقِيَامَةِ, tous retourneront vers leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur qui continue en nous disant وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Et à lui appartient tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges. Ce qui est voulu par là, ce sont les anges, ils sont auprès de lui. لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Ils ne s'enorgueillissent pas. Ils ne délaissent pas l'adoration par orgueil. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Et ils ne se lassent pas. Ils ne se lassent pas. Nous, on est là. Tu vas apprendre 2-3 versets dans la journée. C'est bon. Tu es là, tu as fait qiyam pendant 2 jours, 3 jours, allez, 3 semaines, tu as fait qiyam al-layl. C'est bon. On fait tarawih pendant un mois. Il y en a, ils arrivent à la fin du mois. C'est difficile. Les anges ne se lassent pas, ils continuent, ils ne se lassent pas. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit yusabbihuna al-layla wa an-nahar la yafturun. Ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala, ils prient jour et nuit, ne s'interrompent pas. Qui peut prier jour et nuit sans s'arrêter comme ça? Ça te montre la puissance des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, la puissance des anges qui ne se lassent pas. Et malgré ça, ces anges-là ne méritent pas l'adoration. Ensuite, l'avant-dernier verset qu'on voit pour ce soir, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ja'idil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Celui qui fait des anges des messagers. Rusulan. Pourquoi rusulan? En fait, des messagers, ça serait mieux de traduire ici par envoyé plutôt que messager. Envoyés, ils ont été envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala, rusul, c'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala arsalahum. Il les a envoyés pour une tâche. Chaque ange a une responsabilité. Le vent, la pluie, la mort, noter les actes, etc. Chaque ange a été envoyé pour une tâche bien précise. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala a cité qu'ils ont des ailes. Il a cité qu'ils ont des ailes. Mathna, donc par deux. Des ailes par deux. Thulatha, par trois. Urba, par quatre. Les savants nous disent, subhanallah, Allah nous a décrit ici comment peuvent être les anges. Mais tu vas demander à n'importe qui, ok, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, comment sont les ailes des anges? Je ne peux pas te dire. Comment sont les ailes des anges? Tu peux m'expliquer comment elles sont, leurs ailes? Allahu a'lam. C'est surprenant que ces mêmes personnes, parfois, à qui tu interroges, ces mêmes personnes à qui tu demandes, peux-tu me dire comment sont les ailes des anges? Il va te dire, Allahu a'lam. Et concernant Allah tabaraka wa ta'ala, il va te dire, oui, Allah, s'il parle, ça veut dire qu'il a une bouche comme ça. Et ça veut dire si, ça veut dire qu'Allah, il a une main. Et tu vas dire, subhanallah. Pour les anges, tu dis, Allahu a'lam, je ne sais pas, mais concernant Allah azza wa jalla tatajalla, tu oses concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, tu ne peux pas savoir comment il est, Allah tabaraka wa ta'ala. Le dernier verset qu'on voit aujourd'hui, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ceux qui vont porter le trône et ceux qui sont autour de lui, ils prient par la louange de leur Seigneur, ils croient en lui. Ils croient en Allah tabaraka wa ta'ala. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ici, les frères et ces anges-là vont implorer le pardon pour ceux qui ont eu la foi. Ici, on tire une leçon très importante. C'est que peu importe la piété que tu peux avoir, sache que tu vas commettre des péchés. Si les anges, ils implorent le pardon pour ceux qui ont eu la foi, c'est parce que ceux qui ont eu la foi ont commis des péchés, sinon pas besoin d'implorer le pardon pour eux. Pas besoin. Et donc, nous faisons tous des péchés. Tous. Mais maintenant, ce qui est important, c'est le fait de se repentir. Tu as fait un péché concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Tu te repens à Allah tabaraka wa ta'ala. Abdurrahman, on l'a vu l'année dernière. Quelqu'un qui fait un péché concernant le droit d'un serviteur d'Allah. Concernant le droit d'un serviteur d'Allah, c'est-à-dire, on l'a vu l'année dernière, on avait donné quoi comme exemple l'année dernière? On avait dit, tu viens et tu mets de la peinture sur les murs de la maison. Tu viens, tu passes, tu te réveilles un matin, tu dis, ce matin, je refais la peinture. Tu remets la peinture. Ensuite, tu vas dormir comme si de rien n'était. Papa, maman, ils se réveillent, ils trouvent la maison comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On avait cité quoi? On avait dit qu'il fallait pardonner. Pardonner? Oui. Tu dois pardonner à papa? Non, à Allah. Donc tu dois demander pardon à Allah. Puis après, à tes parents. On avait cité quoi d'autre? Ah, et aussi après, il fallait... Corriger le mal que tu as fait. Et donc, il faut regarder à chaque fois ce péché que tu as fait, il est lié à quoi? Est-ce que ce péché que tu as fait, il est lié directement à Allah tabaraka wa ta'ala? Tu implores le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si le péché, il est lié à une des créatures d'Allah, tu demandes pardon à cette créature à qui tu as fait injustice. Si cela implique réparation, tu dois réparer. Et donc, ça, c'est important. Hein, Salah? On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On reprend, donc, demain باذن الله avec عمدت الاحكام وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا.